parole est une lampe à mes pieds, elle éclaire mon chemin. Ta parole est une lumière sur ma destinée, elle éclaire mes voies, me donne de l'intelligence, me restaure et vivifie mon esprit. Me donne de l'intelligence, me restaure et vivifie mon esprit. Oh mon Dieu, enseigne-moi, prends-moi par la main et conduis-moi dans les chemins de la vie. Ta parole, enseigne-moi ta parole.